بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons commencer donc aujourd'hui, nous allons faire aujourd'hui le cours numéro 16 en explication de Umdatu al-Ahkam. Inch'Allah ta'ala. وقد رأينا بالأمس في مسألة الاتجاه إلى الكعبة في جهة الكعبة أو القبلة حال قضاء الحاجة رأينا ثلاثة أقوال. On a vu hier trois avis concernant le fait de se diriger vers la Qibla lors de l'accomplissement des besoins. Le premier avis, l'avis qu'on va citer, le premier est l'avis de l'Jumhur, qui est être tafsil. Non, c'est... je n'aurais pas d'être tafsil comme ça. Voilà, que c'est permis dans les bâtisses et que ce n'est pas permis à l'extérieur. Et ce qui est voulu par le Jumhur ici, c'est tous sauf Abu Hanifa. Donc Malikiya, Shafi'iya et El Hanabila. L'avis de Abu Hanifa. La yajuzu mutlaqan. C'est que ce n'est pas du tout permis. L'avis de Daoud al-Zahiri. Daoud al-Zahiri, son avis c'est que yajuzu mutlaqan. C'est permis, c'est totalement permis. On avait aussi vu les preuves de chacun. La preuve de l'Jumhur. Hadith ibn Omar. La preuve de l'Jumhur, Hadith ibn Omar, qui est monté donc sur le toit et qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accomplissait ses besoins d'eau à la Kaaba et en direction du Shem. Le hadith de Abu Hanifa, le dalil de Abu Hanifa. Hadith Abu Ayyub, le hadith qu'a cité l'auteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, lorsque l'un d'entre vous va donc accomplir ses besoins, alors qu'il ne se dirige pas vers, qu'il ne se mette pas en position, qu'il ne se positionne pas en direction de la Qibla et qu'il ne lui donne pas son dos. Donc ça c'est le dalil de Abu Hanifa. Nous avons ensuite le dalil de Daoud al-Zahiri, qui est son avis que c'est totalement permis. C'est quoi le hadith? Hadith Jabir. Le hadith de Jabir ibn Abdullah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner en direction de la Qibla, mais qu'il l'a vu un an avant de mourir le faire. Donc Jabir, il a vu le prophète un an avant de mourir le faire. Ils ont dit, ça c'est la preuve que l'interdiction a été abrogée. Et donc, il est totalement permis. Idhan, andana fi hadhihi al-mas'ala أحاديث متعارضة في الظاهر. Nous avons donc dans ce sujet des hadiths qui s'opposent, qui en apparence s'opposent. وقد ألف العلماء كتبا في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. Et certes, les savants, ils ont écrit des livres montrant comment rassembler donc des hadiths qui se contredisent en apparence. Même certains savants qui disent « Je ne connais pas de hadith qui se contredisent en apparence sans qu'on trouve donc une solution pour rassembler ces hadiths. » Et donc, les savants ont donc écrit sur ce sujet, ont abordé ce sujet. « فَمَا هِيَ التَّرِيقَةَ » Comment faire aujourd'hui lorsque nous avons ces hadiths qui se contredisent? Premièrement, on regarde déjà l'authenticité. L'authenticité des ahadiths. Deuxièmement, si les deux ahadiths sont authentiques, nous avons al-marhala al-thaniya an-najma'a bayna al-hadithayn in kana ahaduhuma 'amman wal-akharu khassan. Donc deuxième étape, c'est que on unisse les hadiths. Comme par exemple, lorsqu'on a un hadith qui est général et l'autre qui est spécifique. Certains vont dire que, par exemple, ici, nous avons une interdiction qui est générale. Il est interdit d'accomplir ses besoins en direction de la Qibla. Ça, c'est général. Mais par contre, l'autre, il est spécifique dans les bâtisses. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il est interdit d'accomplir les besoins en direction de la Qibla, sauf dans les bâtisses. Ils vont donc rassembler les hadiths comme cela. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Il y a plusieurs exemples sur cela. Par exemple, l'interdiction de prier après Asar, etc. Tous ces sujets qu'on verra petit à petit. Et donc, ce sujet, on le verra plusieurs fois. Al-marhalatu al-thalitha. In lam yumkin al-jam'a. Si on ne peut pas unir les deux hadiths. On a essayé comme ça, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? La troisième étape, ça sera al-nasr. On va donc faire une abrogation. On aura donc un hadith qui sera abrogé et l'autre qui sera abrogeant. فَإِنْدَنَا نَاسِخٌ وَمَنْسُخٌ. C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui a été fait à un moment, l'autre hadith qui a été fait après, le hadith qui a été fait après va abroger le premier. On va donc œuvrer avec le premier, avec le deuxième hadith seulement. Mais ça, c'est avec une condition. Un yu'alama at-tarikh. C'est qu'on connaisse les dates. On sait que tel hadith s'est fait en telle période et tel hadith s'est fait en telle période. À ce moment-là, on peut utiliser cette méthode. Ensuite, nous avons la quatrième étape. In lam yumkin al-amal bin nasikh. Si ce n'est pas possible, d'œuvrer avec l'abrogeant. Parce qu'on ne connaît pas la date. Les deux hadiths, ils sont authentiques. Les deux hadiths, ils se contredisent. Et on n'a pas réussi à les unir. On ne peut pas abroger parce qu'on ne connaît pas les dates. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, at-tarjih. On va dire qu'un hadith prévaut par rapport à l'autre. Les deux chaînes de transmission sont authentiques. Mais il y a une chaîne de transmission qui est plus authentique que l'autre. On va dire, on va œuvrer avec le hadith qui est plus authentique. Que vaut mieux œuvrer avec le hadith qui est plus authentique que œuvrer avec l'autre. On ne peut pas faire ça. Dernière solution, et tawakkuf. On s'abstient. Allahu a'lam. Parce qu'on n'a pas réussi à faire ça. Allahu a'lam. Et donc, فَإِذَا فَهِمْنَا هَذَا هُنَاكَ أَحَدُ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَ نَسْتَطِعْ أَنْ نَقُولْ إِنَّهُ مَرْجُوح. Et donc, si on a compris ce que je viens de citer, il y a un des trois avis qu'on peut directement dire qu'il est marjouh, qu'il n'est pas juste. Lequel? Alors, il y a un avis que, si on suit ces étapes-là, on sait que cet avis-là, il n'est pas correct. L'avis de Daoud al-Zahiri. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il y a un hadith qui, il nous dit que c'est totalement permis. Annahu yajuzu mutlaqan. Pourquoi c'est totalement permis? Parce que annahyu mansukh. Il nous dit que l'interdiction a été abrogée. Mais on ne peut pas passer à ce degré de l'interdiction alors qu'on peut unir les ahadiths. À partir du moment où on peut rassembler les ahadiths, on peut pas faire, on peut pas œuvrer, on peut pas dire que il y a une abrogation. فَإِنَّ الْعَمَلْ بِالْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلْ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ. Le fait d'œuvrer avec les deux hadiths est préférable au fait de d'œuvrer avec un et de délaisser l'autre. On est d'accord. Et donc à partir de là, on dit l'avis de Daoud al-Zahiri, il est marjouh. Il est donc c'est l'avis qui est le moins correct. Il nous reste donc deux avis. Al-Jumhur et Abu Hanifa. وفي هذين في هذين القولين جمع بين الأحاديث. Et il y a dans ces deux avis une façon d'unir entre les ahadiths. Et c'est là que la divergence devient coriace. فالجمهور جمع بين الأحاديث فقالوا إن الأحاديث الدالة على الجواز متعلقة بالفضاء أو متعلقة بقضاء الحاجة في البنيان، والأحاديث الدالة على التحريم متعلقة بقضاء الحاجة في الفضاء. Et donc ils ont dit que Al-Jumhur, ils ont uni les hadiths, ils ont rassemblé entre les hadiths, en disant que les hadiths qui montrent l'interdiction, les hadiths qui montrent l'interdiction, sont spécifiés à l'accomplissement des besoins à l'extérieur. Tandis que les hadiths qui montrent la permission sont spécifiés à l'accomplissement des besoins à l'intérieur des bâtisses. Est-ce qu'on a compris cette façon de rassembler ? Oui ou pas ? Vous avez compris, vous êtes avec moi ou ça c'est bon, vous êtes parti ? Alors, je redis encore une fois. Donc, Al-Jumhur, ils nous disent que pour rassembler entre les ahadiths, on dit que les ahadiths qui montrent l'interdiction d'accomplir ses besoins en direction de la Qibla, ce qui est voulu par là, c'est le fait d'accomplir ses besoins en direction de la Qibla quand on est à l'extérieur des bâtisses. Mais les ahadiths qui montrent la permission d'accomplir ses besoins en direction de la Qibla, ce qui est voulu par là, c'est la permission d'accomplir ses besoins en direction de la Qibla quand on est à l'intérieur des bâtisses. Comme ça, ils ont rassemblé entre l'interdiction et la permission. Abu Hanifa, jama'a bayna al-ahadith fa qala inna al-ahadith al-warida fi at-tahrim 'amma fi al-bunyan wal-fada والأحاديث الدالة على الجواز خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لأنه من خصوصيته. أبو حنيفة nous dit, donc pour rassembler entre les hadiths, donc, du moins les savants du mazhab hanafite, ils nous disent que les ahadiths qui montrent l'interdiction d'accomplir ses besoins en direction de la Qibla sont généraux, que ça soit dans les bâtisses ou à l'extérieur. Ils sont généraux. Et les ahadiths qui montrent la permission sont spécifiques et sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que c'est propre au prophète. Le fait de pouvoir le faire, ils vont dire que c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils te disent, c'est comme le fait qu'il nous est interdit de rassembler, il nous est interdit d'avoir plus de 4 épouses. Ça, il est interdit à tous les hommes de la communauté. Alors que cela n'était pas interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent donc que c'est spécifique à lui. Et certains donc qui vont suivre l'avis de Abu Hanifa, ils vont dire que ce n'est pas une spécificité, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu accomplir ses besoins en direction de la Qibla pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, on ne sait pas pourquoi, mais dans tous les cas, on ne va pas délaisser son interdiction formelle pour juste le fait qu'on l'a vu faire. Car son interdiction, elle s'adresse à la communauté. Et le fait qu'on l'a vu faire, il se peut que ce soit pour plusieurs raisons. Et certains ont dit que à ce moment-là, on va faire prévaloir la parole du prophète par rapport à son acte. Son acte le concerne lui. Par contre, sa parole, ça nous concerne nous. وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةِ. Et l'avis vers lequel je pense le plus dans ce sujet est l'avis de Abu Hanifa. Et cela pour plusieurs raisons. J'en ai noté 5 que je vais vous citer. أولاً أن أبا أيوب الأنصاري هو راوي الحديث هو راوي الحديث. وقالت العلماء إن الصحابي الذي يروي حديثاً أعلم بحديثه من الآخرين. Et certes, donc, première raison, c'est que Abu Ayyub al-Ansari, c'est celui qui rapporte le hadith lié à l'interdiction. C'est lui qui a rapporté le hadith. Les savants, ils disent que le compagnon qui rapporte un hadith, il est plus savant de son hadith que les autres. Il connaît mieux ce qu'il rapporte que les autres. On est d'accord? Et or, ici, concernant Abu Ayyub al-Ansari, qu'est-ce qu'on a vu concernant Abu Ayyub? Qu'est-ce qu'il a compris, Abu Ayyub? Ra'ayna annahu kana wajada marahid bunyat nahwa al-qibla. Abu Ayyub, il a vu des toilettes qui avaient été construites en direction de la Qibla, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait, Abu Ayyub? Inharaf. Et donc, il s'est dirigé, il s'est donc un peu dévié de la direction de la Qibla. Wastaghfar Allah. Et il a fait donc l'istighfar. Et donc, cela montre, les savants, ils ont dit, donc cela montre que Abu Ayyub, le compagnon qui rapporte le hadith lié à l'interdiction, il voyait que c'était interdit à l'intérieur des bâtisses comme à l'extérieur. Deuxièmement, Al-Qa'iluna bil Jawaz fil Bunyan duna Sahra 'allalu at-tahrim bi anna al-Ka'ba baytun musharraf wa anna Allah amarna bi istiqbal al-Qibla fi as-salat wa nahana 'an dhalika li qada'i al-haja ihtiraman lil Ka'ba. Idhan Al-Ka'ba yanbaghi ihtiramuha fil bunyan wa kharij al-bunyan. Les savants disent donc, deuxièmement, ceux qui voient qu'il est permis d'accomplir ses besoins en direction de la Qibla dans les bâtisses, ils ont dit que l'interdiction, pourquoi est-ce qu'il est interdit de faire ses besoins à la base en direction de la Qibla à l'extérieur? Pourquoi? Parce que la Ka'ba est un lieu qui est valorisé, est un lieu qui est noble pour les musulmans. Et donc les musulmans, il leur a été ordonné de se diriger vers ce lieu-là lorsqu'ils accomplissent la prière. Mais par contre, il leur a été interdit de se diriger vers celui-ci lorsqu'ils accomplissent les besoins par respect pour ce lieu. Et donc les savants, ils disent, nous devons donc de respecter ce lieu dans les bâtisses, mais aussi à l'extérieur des bâtisses. Troisième raison. جاء عن ابن عمر أنه قال إن كان بينك وبين الكعبة شيء فلا بأس. Et donc, il a été rapporté d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'il a dit, s'il y a quelque chose entre toi et la Kaaba, alors là, il n'y a pas de mal. S'il y a quelque chose entre toi et la Kaaba, il n'y a pas de mal. وهذا قول الجمهور. Et ça, c'est l'avis de الجمهور. Tu es dans une bâtisse, il y a quelque chose, un mur entre toi et la Kaaba, même si tu te diriges vers la Kaaba, il n'y a pas de mal. فَقَالُوا بِالتَّحْرِيمِ فِي السَّحْرَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ شَيْءٍ. Et donc, Al-Jumhur, la majorité des savants, ils disent que c'est interdit d'accomplir ses besoins en direction de la Kaaba, à l'extérieur des bâtisses, parce qu'il n'y a rien entre toi et la Kaaba, lorsque tu es à l'extérieur. Exemple, tu sors de Ville-Rue, direction Crune. Direction Crune, tu es sur la route, il n'y a rien du tout. C'est des champs à droite, des champs à gauche. Il n'y a rien entre toi et la Kaaba. Ils te disent, ici, il t'est interdit de faire tes besoins en direction de la Kaaba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien entre toi et la Kaaba. Certains savants ont répondu à cela en disant, « La, les sabis sahih. La yumkinuka an taqdiya hajatak fi ayy makanin fil alam » Illa wa satajidu baynaka wa bayna al-Ka'bati shay'. Les savants se disent non, c'est faux ça. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible d'accomplir tes besoins dans quelconque endroit sur la terre sans que tu trouves entre toi et la Kaaba quelque chose. Trouvez-moi un endroit où tu peux accomplir tes besoins sans qu'il n'y ait entre toi et la Kaaba un mur. C'est fini. La Kaaba, elle est entourée de bâtiments déjà. Elle est entourée d'hôtels. C'est fini. D'accord? Donc, c'est pas possible. Ensuite, quatrième point et l'avant-dernier. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَحْوَطُ. Quatrième point, c'est que cet avis est l'avis le plus sûr. لِأَنَّ الْمَرْءِ إِنْ قَضَ حَاجَتَهُ وَلَمْ يَتَّجِهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فَلَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ يَكُولُ لَهُ إِنَّهُ فَعَلَ شَيْئًا مُحَرَّمًا. C'est la vie le plus sûr, car si tu n'accomplis pas tes besoins en direction de la Qibla ou dos à la Qibla, personne ne va pouvoir venir te voir et te dire que tu as fait quelque chose d'interdit. Puisque dans tous les cas, ils sont tous unanimes que si tu fais tes besoins dans une autre direction que celle de la Qibla, c'est bon. Et donc en faisant ça, personne ne pourra te dire que tu as fait quelque chose d'interdit. Le cinquième point, et ça c'est un point important, il est très rapide, on va finir avec. Hadith ibn Omar, Laysa sarihan fi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana fi al-bunyan. Le hadith ibn Omar, il n'est pas clair, montrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans une bâtisse. C'est quoi le hadith ibn Omar? Youssouf, hafistahu aw li sabab? Li sabab. Le hadith d'Ibn Omar, il nous dit Raqitu ala bayti Hafsa, je suis monté sur le toit de la maison de Hafsa. Fara'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqdi hajatahu. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accomplissait ses besoins en direction du Shem et d'eau à la Qibla. Où est-ce qu'il est cité dans le hadith qu'il était dans une bâtisse? Où est-ce que c'est cité? Hein, Youssouf? Hussein? C'est pas précisé. Donc voilà. Et il y a d'autres raisons, mais on va arrêter là, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fikum barakallah.